Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Les routes présentant des défauts doivent être reconstruites par les mêmes sociétés ayant gagné les marchés. Le président de la République l'a déclaré lors d'une émission publique mercredi de cette semaine. Évariste Ndayishimiye a déploré le fait que certains superviseurs des travaux ne s'acquittent pas correctement de leur mission. Et à l'Olicom, l'on y voit une odeur de corruption. Et des enseignants vacataires ayant presté dans différentes directions communales de la province Tchankouzo réclament des arriérés, des honoraires pour leurs prestations depuis 2012 jusqu'en 2020. Dans la chronique environnement, un professeur d'université nous expliquera que la pression démographique et la pauvreté sont des causes du déboisement au Burundi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Des enseignants vacataires ayant presté dans différentes directions communales de la province de Tchankouzo réclament des arriérés, des honoraires pour leurs prestations depuis 2012 jusqu'en 2020. Au niveau de la direction provinciale de l'éducation à Tchankouzo, l'on précise que les listes de ces enseignants et leurs adresses de paiement ont été transmises à la direction générale chargée des finances au ministère de l'éducation. Et au niveau du ministère des finances, l'on rassure, ces enseignants peuvent espérer toucher leur argent dans une ou deux semaines. Raymond Moudende. La plainte de ces enseignants vacataires est due aux arriérés de paiement des frais de vacatariat depuis 2012 jusqu'en 2020. Ces enseignants qui ont pressé des aires de vacatariat dans différentes directions communales de l'enseignement de Tchankouzo disent avoir eu toujours des promesses sur le décaissement de leurs arriérés, mais lorsqu'ils visitent leurs comptes, ils ne trouvent aucun sou. Jeanne Akizimana, directrice de l'éducation en province Tchankouzo, dit évidemment qu'elle a transmis les listes de ses enseignants avec les numéros de compte à la direction des finances au ministère de l'éducation et au niveau de la direction générale des finances au ministère de l'éducation, l'on informe que des dossiers de vacatariat de la province Tchankouzo ont été transmis hier soir jeudi au niveau des finances et des enseignants pourront espérer toucher les arriérés sur leurs comptes respectifs entre une et deux semaines. Et de rappeler que ces enseignants de Tchankouzo avaient été informés sur la voie des ondes par la direction générale des finances au sein du ministère de l'éducation que le décaissement de leurs arriérés allait s'opérer dans une semaine, mais depuis l'annonce de cette information, plus d'un mois vient de passer. Depuis Tchankouzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Raymond Moudende, merci. Et du vol des plants de riz est rapporté en zone Rugombo de la commune Rugombo. Ces plants sont utilisés pour l'alimentation du bétail et surtout des vaches. Les riziculteurs demandent aux autorités administratives et policières de s'impliquer dans la lutte contre ce comportement. Le responsable du Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage indique que ce sont des cas isolés, difficiles à traquer puisque ces vols se font la nuit. Alexis Ndayiragije. Certains riziculteurs de Marambo, Kabamba, jadis exploités par la société Rugopharm en commune Rugombo, indiquent qu'ils sont victimes de vols de plants de riz qui sont vendus chez les propriétaires de bétail, surtout les vaches. Ils demandent aux autorités administratives et policières de s'impliquer afin d'éradiquer ce comportement de vol de plants de riz pour éviter des crimes qui peuvent s'en suivre. Les éleveurs, quant à eux, précisent qu'ils ne sont pas responsables de ces vols, seulement qu'ils achètent des herbes. Certains des vendeurs d'herbes pour bétail affirment que ceux qui sont responsables de ces vols sont des malfaiteurs qui veulent gagner beaucoup d'argent par jour et travaillent même la nuit. Le directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, province de Mitoki, Béatrice Nyabenda, affirme que ce sont des vols isolés qu'il est difficile d'attraper ces bandits puisqu'ils sont chauffés la nuit. Le secrétaire exécutif permanent de l'administrateur de la commune Rugombo, Firmé Abomoremi, indique qu'il n'est pas au courant de cette situation tout en demandant à tout un chacun de s'impliquer dans la lutte contre ce comportement et surtout en s'adressant aux autorités administratives et policières. Depuis Chibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis, on reste dans cette province de Chibitoke pour vous dire que plus de 200 maisons détruites, 8 hectares de champs de bananes endommagés, une vache foudroyée. Tel est le bilan des dégâts occasionnés par les pluies mêlées de vent tombées l'après-midi de ce jeudi sur différentes collines de la zone Rugombo en commune Rugombo de la province Chibitoke. Les collines qui ont été beaucoup touchées sont Rugueregere, Munyika 2, Marambo 1, Samwe et Marambo 2. Le chef de zone Rugombo demande une assistance pour sa population sinistrée. Nouvelle des provinces toujours avec cette libération depuis ce mercredi de 25 détenus à la prison centrale de Rumonge, communément appelée Murembe. C'est après une inspection collégiale y effectuée par le parquet de Rumonge dans le cadre de la politique sectorielle du ministère de la Justice de désengorgement des prisons, selon le procureur de la République à Rumonge, d'où nous appelons notre correspondant permanent, Jean-Pierre Misako. Il s'agit de ceux qui avaient été acquittés ou ayant obtenu une liberté provisoire ou encore ceux ayant commis des infractions mineures qui sont sortis de cette prison centrale de Rumonge, communément appelée Murembe. C'est l'inspection collégiale du procureur de la République à Rumonge et de ses deux substituts effectués ce mercredi dans cette maison pénitentiaire qui a pris cette décision, libérant ses détenus poursuivis pour vol et vol qualifié d'abus de confiance, d'ostélionat, de rébellion au jugement rendu par les tribunaux, selon Frédéric Ndaïkeza, procureur de la République à Rumonge. Cela s'inscrit dans le cadre de la politique sectorielle du ministère de la Justice visant le désengorgement des maisons de détention, selon le procureur de la République à Rumonge. Cette maison pénitentiaire de Rumonge, d'une capacité de 800 personnes, abrite actuellement plus d'un millier de détenus, selon des sources auprès de sa direction. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Il est 13h03 à Bujumbura et sur Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. La société de cimenterie du Burundi, Buseko, revoit à la hausse le prix de son produit dans un communiqué sorti ce vendredi. Le ciment Buseko type 32.5 résistance passe de 24 500 francs burundais par sac de 50 kg à 27 500 francs burundais et le ciment 42.5R passe de 30 000 francs bourg à 33 000 francs burundais par sac. Ces nouveaux tarifs sont applicables dès le 1er janvier 2022. La Buseko demande aux commerçants de respecter ces prix. On parle maintenant toujours des prix en Ngozi, où les clients fréquentant le marché central de Ngozi se plaignent suite à la hausse des prix des denrées très recherchées durant les fêtes de fin d'année, comme le riz et d'autres. Le riz de première qualité en provenance de la Tanzanie, qui se vendait il y a un mois à 65 000 francs burundais le sac de 25 kg, coûte aujourd'hui 75 000 francs burundais. Mais d'autres produits comme le haricot ont chuté de prix d'environ 300 francs burundais le kilo. Cette baisse est due, selon ces commerçants, à la période de récolte. Apollinaire Muzagara. Le riz de deuxième qualité de la Tanzanie, recherché par bon nombre de clients moyens, se vend à 62 000 francs burundais en sac de 25 kg, contre 58 000 francs d'il y a un riz de première qualité, qui était 58 000 francs burundais, s'achète actuellement à 75 000 francs en bidon d'huile de coton, a été revu à la hausse de 2 à 3 000 francs et le prix d'un régime de banane a doublé ces jours-ci. Celui de 5 000 francs burundais était à 3 000 francs. mais le manque d'autres fraudes, néanmoins, certaines denrées alimentaires se sont vues recruchiter suite à la période de récolte selon les commerçants du marché Bongo et le cas du haricot dit Kirundo, qui coûte entre 900 et 1100 francs, alors qu'il s'achetait entre 1200 et 1400 francs le kilo du petit pois et entre 1500 et 1800 francs contre 3000 francs du IAM, la pomme de terre, faisant actuellement à 700 ou 750 francs contre 1000 francs, voire plus. Et que l'on parle du tête ou la planche à s'approvisionner actuellement avec 200 000 francs, alors 450 000 francs d'il y a deux ans, ça pouvait aller selon Dongozi, Apollinaire Mouzagara, Radio Sangani. Merci Apollinaire Mouzagara. Il s'observe de longues files d'attente des affiliés de la mutuelle de la fonction publique à la recherche des cartes biométriques dans différentes zones de la commune de Mukaza en mairie de Bujumbura. Certains affiliés rencontrés à Rohero, Nyakabiga et au siège de la mutuelle de la fonction publique voudraient que cette activité soit décentralisée davantage. On fait le point avec Jean-Marie Mayonga. Dans différents lieux visités, à savoir le siège de la mutuelle, ceux qui cherchaient la carte n'étaient pas servis car on leur disait que ce sont des étudiants de l'ENES qui sont aujourd'hui au programme. Dans la zone Rohero, les affiliés de la mutuelle qui cherchaient la carte biométrique étaient alignés et les travaux se faisaient à la normale. Dans la zone Nyakabiga, il n'y avait pas assez de personnes. La raison, selon certains affiliés, est que dans cette zone, les affiliés de la mutuelle l'ont cherché à temps. Que ce soit pour les affiliés de Nyakabiga et de la zone Rohero, tous demandent l'augmentation des places et la décentralisation des services pour que tous ceux qui ont besoin de cette carte biométrique soient servis à temps nécessaire. Nous sommes alignés et il y a les agents qui sont en service et ils nous ont servi suivant l'arrivée de chacun. Que les bureaux soient multipliés, faire la décentralisation des services pour qu'un grand nombre soit servi. Il y a ceux qui s'absentent à leur service également, qu'ils ajoutent le délai pour que les gens aient cette carte de la mutuelle. La situation se présente ainsi au moment où la direction générale de la mutuelle avait déjà informé que le délai limite est prévu pour ce 31 décembre 2021. Merci Jean-Marie Mayonga. Contacté pour réaction, la direction générale de la mutuelle de la fonction publique a précisé qu'elle va sortir une note relative au prolongement des délais de récupération de ces cartes, sans toutefois préciser la durée de cette prolongation. Je vous l'avais dit dans les titres, certains superviseurs des travaux de réhabilitation des infrastructures publiques, notamment les routes, ne s'acquittent pas correctement de leur mission, déplore le numéro 1 burundais. Lors de l'émission publique, mercredi de cette semaine, le président Évariste Ndayishimiye a précisé que ces routes doivent être reconstruites par les mêmes sociétés. Il appelle tout Burundais à veiller sur les biens publics. On l'écoute, il est traduit par Moïse Misago. Pour cette route Nyamitanga, ils avaient tout laissé de côté. Heureusement que je me suis rendu à Chibitoke. Je l'ai constaté par moi-même après qu'on m'ait dit l'état de cette route. Cette société doit absolument la refaire. Et ce n'est pas cette seule infrastructure. Il y a également la route Bubanzandora. Elle a été détruite avant sa réception. Il y a vraiment un comportement indigne qui s'était installé dans le pays. Je suis de près cette situation. La dernière fois que j'ai été à Chibitoke, le gouverneur m'a dit « C'est vrai, le tronçon est en train d'être réhabilité ». Mais comme l'on n'est pas spécialiste en la matière, l'on ne saura pas si les travaux de réfection ont été exécutés convenablement. Tout n'a pas été mal fait, alors j'ai demandé à l'agence routière du Burundi de suivre de près et de contrôler les travaux, sinon gare à eux. Vous aussi, soyez vigilants, suivez de près les biens publics. On va chercher du matériel adéquat, car nous avons vu que nos superviseurs de route ne le font pas correctement. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, au sein de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les marginalisations économiques, l'UCOM, l'on trouve que le délabrement des infrastructures publiques avant leur réception ou juste après leur réception est dû à la corruption et le manque de transparence dans l'octroi des marchés publics. Gabriel Rouftiri, président de l'UCOM, propose qu'il y ait contrôle périodique des travaux de construction des infrastructures publiques. Je voudrais d'abord rappeler que le marché public occupe une place de choix dans le budget général de l'État. Sur un budget de plus de 1 700 milliards de francs, plus de 70% de ce budget vont directement dans le marché public. Et le marché public, comme vous le savez, la grande partie de ce marché public, ce sont la construction des infrastructures publiques. Il faut entendre par là les routes, les hôpitaux, les écoles et bien d'autres infrastructures publiques. D'abord, la première chose, il faut garantir la transparence, ce qui n'est pas le cas. La transparence, c'est-à-dire qu'il nous faut un registre national public, un registre national ouvert à tous les citoyens. C'est à ce niveau qu'on va constater les sociétés qui gagnent le marché. S'ils n'ont pas de lien avec les mandataires publics, ou les familles. C'est comme ça que ça se fait dans le monde entier. Il faut que les marchés publics soient donnés avec une très grande transparence. Il faut qu'il y ait un lancement officiel des appels d'offres avec des commissions techniques compétentes. Dans l'attribution de ces marchés, on doit y avoir des experts qui font le suivi aussi en matière de gestion de ces marchés publics. Mais aussi, il y a le niveau d'exécution de ces marchés. Il doit y avoir un suivi régulier de ces marchés. Il doit y avoir des contrôles périodiques pour suivre exactement comment les marchés sont en train d'être exécutés. Mais comme il y a trop de corruption, comme il y a trop de commissions, c'est dans la plupart des cas que ces commissions, ces corruptions, ce trafic d'influence qui sont mises en avant. Nous pensons que s'il y a des contrôles périodiques, on pourrait avoir des solutions concrètes. Gabriel Ouftiri, président de l'OLUCOM, avant la chronique environnement. En actualité africaine, l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, en détention préventive depuis 6 mois, dans une affaire de corruption présumée, a été admis mercredi soir à l'hôpital militaire de Nouakchott pour des soins urgents. Selon des membres de sa famille qui lui ont rendu visite, la situation de l'ex-président mauritanien est inquiétante. Ses avocats lui ont également rendu visite. Il s'attendait à cette hospitalisation compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire de leurs clients depuis plusieurs mois. L'ex-chef de l'État a été inculpé en mars de corruption, blanchiment d'argent, enrichissement illicite, dilapidation des biens publics, octroi d'avantages indus et obstruction au déroulement de la justice. Des accusations niées en bloc par l'ancien président qui a dirigé le pays entre 2008 et 2019. Radio Isanganiro, chronique environnement. La pression démographique et la pauvreté sont des causes du déboisement au Burundi. Explication d'Athanase Nkunzimana, professeur à l'Université du Burundi en sciences géographiques de l'environnement et de la population. Il ajoute que la déforestation est le fait des agriculteurs qui envahissent les aires protégées. Lydie Gahimbari. Le déboisement au Burundi est souvent fait par des agriculteurs qui cultivent dans les aires protégées ou qui font la coupure excessive des arbres. Explication d'Athanase Nkunzimana, professeur à l'Université du Burundi en sciences géographiques de l'environnement et de la population. Tout processus qui consiste soit à la coupure des arbres, soit au défrichement, ça peut aussi être aussi pâturage, ça peut aussi être aussi des incendies ou tout usage excessif de coupure des arbres. Les collines ou les montagnes qui sont déboisées, on les reconnaît par le fait qu'il y ait le phénomène d'érosion qui s'est intensifié, mais également on peut le connaître aussi par l'état du sol, mais également aussi par la dégradation du sol, donc je dirais la diminution du rendement agricole. Le besoin énorme en bois de chauffage ou en matériaux de construction et de meubles sont des causes du déboisement selon Athanase Nkunzimana, professeur à l'Université du Burundi. Et les principales causes qui sont à l'origine du déboisement sont d'abord, je dirais, le besoin en bois de chauffage, aussi le besoin aussi en matériaux de construction. Je dirais également le besoin aussi en matériaux meubles, donc l'usage des meubles, mais également, je dirais aussi, le besoin de pâturage. Et heureusement que maintenant, avec la politique de stabilisation permanente, on a réduit en tout cas ce volet. La pauvreté est aussi une des causes de la déforestation par le fait que les gens font recours à l'arbre comme source de revenus, ajoute-t-il. Actuellement aussi, on peut ajouter la pauvreté. Avec aussi la pression démographique, il se peut que maintenant, les sources de revenus monétaires sont de plus en plus, je dirais, insignifiantes. Alors, les populations recourent beaucoup plus à d'autres secteurs, dont la recherche, n'est-ce pas, du charbon, aussi la coupure aussi de ces arbres, la vente aussi d'arbres. Vous qui parcourez dans les villes, vous allez trouver partout, dans les chantiers, on utilise ces jeunes plantures d'arbres, mais également avec aussi la politique actuelle, n'est-ce pas, de création d'emplois. Beaucoup de jeunes aussi s'associent dans des ateliers de menuiserie. Tout ça, c'est, bah, ça veut dire qu'on cherche de l'argent. Dans ce sens, on peut aussi ajouter que la pauvreté aussi est parmi les facteurs, n'est-ce pas, de déboisement. Les conséquences du déboisement et les solutions proposées pour la protection de l'environnement, ce sera dans la prochaine chronique. Merci Lydie Gohimbare. Ainsi se referme ce journal, mais avant de nous séparer, j'en rappelle les grandes articulations. Les routes présentant des défauts doivent être reconstruites par les mêmes sociétés ayant gagné les marchés. Le président de la République l'a déclaré lors de l'émission publique mercredi de cette semaine. Évariste Ndayishimiye a déploré le fait que certains superviseurs des travaux ne s'acquittent pas correctement de leur mission. Et à l'OLICOM, l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques, l'ONISAN, une odeur de corruption. Et des enseignants vacataires ayant presté dans différentes directions communales de la province de Tchankouzo réclament des arriérés de leurs honoraires pour leurs prestations de 2012 jusqu'en 2020. Au ministère des Finances, l'on rassure, leur compte devrait être crédité d'ici une ou deux semaines. Et vous venez de le suivre, un professeur d'université nous a expliqué que la pression démographique et la pauvreté sont parmi les causes du déboisement au Burundi. Il est 13h16 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Je vous souhaite déjà les meilleurs vœux pour l'année 2022.